La guerre éclate car aucune roquette ne fait le tri. Comme l'a fait en temps de pénurie, à l'abri ceux qui font les traits sur les cartes. Ignore souci ethnique, résume-toi stratégie et technique. Ça y va à coups de grands discours sur les marches pour dénoncer les mauvais tyrans. Érigé en modèle d'expression le régime du Shah d'Iran, disant adieu au dictateur chavirant. Le comparant à Lénine, à Hitler, aux méthodes brutales de Staline, en mettant volontairement se classer et à façonner les associés Noriega, Batista, Pinochet. Il faut croire pour leur secrétaire d'État, c'est plus cool de buter les gens dans les stades. La guerre c'est sale, ouais, y'a plus un seul arpent pour les braves. Est-ce légitime parce qu'on voit des scènes de liesse? Mais si c'est ton fils qui perd la vie sous le raz-de-marée des bombes US, créer des monstres plus 45, les mêmes connards qui mettent Algérie, Congo, la Côte d'Ivoire en parenthèse, le plus grand braquage de l'histoire. Et ils risquent même pas une heure de geôle, ils mentiront encore dans les livres d'école. La vérité fond comme fond la calotte d'épaule. Dans leur ville, les ghettos tombent sous l'assaut des armes et de l'alcool. Quelle prétention, croire que la démocratie les fait sauter de joie dans la rue. Mais dis-moi, quelle démocratie, celle qui donne ce choix entre la droite et la droite, les tragédies frappent. À l'hôpital, une balle entre le foie et la rate. Un petit gamin J. Et là dans son char, un G.I. abruti au QI proche de 20 jouis. Faisons comme le monde fait, remercions vivement Bush, Amco, Exxon, Powell pour leur bonté. On dit que les temps changent et peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, pain et jeu, des flashs et du cash plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. On dit que les temps changent et peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, pain et jeu, des flashs et du cash plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. L'ignorance, c'est comme la science. Ça n'a pas de bon. L'homme a tout perfectionné sur terre sauf les hommes. Il a dicté son autodestruction sans l'avoir signé. Pour l'avenir, je m'attends au pire vu qu'on n'a rien assimilé. L'homme est comme Dieu l'a fait et un peu pire. L'homme est le seul animal qui est détruit pour le plaisir. Faut le saisir frère, qui nous veut du bien. Si on n'a pas le compte plein, le bon teint, le bras long et un putain de valet dans le salon. Ces enflures mènent la planète par le bout du nez. Déboussolé, l'info de chaque pays nous mène à être bien isolés. D'autant que c'est le fric qui mène, y'a plus de cervelle saine, on dit matine. Le peu d'humanité qui restait dans nos antennes. La télé c'est comme l'histoire, ça amuse avant d'intéresser. Et quand on s'y intéresse, après c'est trop tard. L'onde alpha, c'est la plus grande drogue au monde. Une drogue de monde, son petit coin de paradis dans une vie monotone. Dès la vache, cerveau par tonne, sans bouger à domicile. Où on voit des missiles qui tuent, mais qui font pas de mal. La guerre propre, je croyais que c'était un groupe de pop en tournée, bordel. Ils passaient devant des corps, gosses déchiquetés. À ce qui paraît, ça fait partie du quota poto. À cause de quelques barils, trop de monde est parti trop tôt. Ces lésions pourront plus jamais disparaître. La raison, elle, elle a pris un sale coup devant tant d'êtres. On dit que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, peint jeu, des flashs et du cash, plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. On dit que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, peint jeu, des flashs et du cash, plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. On dit que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal couche, caché sous les couches, plein jeu, des flashs et du cash, plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. On dit que les temps changent, les peu de choses bougent. Chaque jour on sait que le mal accouche, caché sous les couches, plein jeu, des flashs et du cash, plein les yeux. La peur de couper chez les vieux, quand le mensonge devient sirupeux. Les leurs abondés, on s'en gavé, la pilule passe mieux. Massive.